Saint-Méni. Avec toi, ne t'en vas pas seul. Je viens avec toi, doudou. Ne me quittez pas. Mamanga na pona yo.